Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 8e leçon. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. On est toujours dans la deuxième unité, dans la cinquième leçon. الدرس الخامس. سأسألك في الكلمة. ما معنى قدم يقدم قدم يقدم قدم الجواز présenter se présenter un des سؤال présente se présenter لا لا présenter quelque chose فحص يفحص فحص يفحص contrôler حافلة car حبط car bus نعم حبط حبط أتير ركب يركب ركب يركب ركب يركب monter embarquer نعم قادم يقدم arrivé نزل ينزل descendre وجه يوجه diriger نعم diriger quelqu'un vers quelque chose تمام الآن الأسئلة. طيب من أين قادم محمود؟ دو يفني محمود؟ قادمه تركيا. ها؟ قادمه تركيا. لماذا قادمه؟ في كل هو كتامين. إلي أريد. قادمة. تفهمه؟ قادمة من تركيا. قادمة من تركيا. طيب يلتعب من تركيا. ثانيا ماذا قدم محمود الى موظف الجوازات كيسك محمود ا بريزونتي ا لامبويي دي باسبور قدم له جوازه وبطاقه الوصول voilà on regarde t'as fait un truc toi t'as mis un harf jar qui n'est pas dans la question quand on est pris au début du livre regarde il dit quoi ماذا قدم محمود إلى موظف؟ donc toi tu prends le même truc قدم إليه كذا كذا كذا tu prends le même أسلوب la même tournure que la question et tu la places dans la réponse c'est comme ça tu restes sur le même أسلوب la même formule la même tournure que la phrase on l'a pris avant نعم طيب ثالثا إلى أين وجه موظف الجوازات محمودا vers où Afwan avant de redis la réponse de la deuxième question قدم إليه نعم جواز بطاقة وبطاقة لا بطاقة نعم Est-ce que c'est un mafoulbi ou plutôt c'est un tu verras après inchallah en tout cas il a une fatha c'est un martouf tu vois mais c'est une règle tu vois c'est pas dans le livre ce qui vient après un waouh ça prend le l'i'rab de ce qui est avant le waouh et avant le waouh t'as un mafoulbi donc là tu vas dire bita kota ça viendra plus tard inchallah toi j'ai mis une fatha et... طيب نعيد الثالث إلى أين وجه موظف جوازات محمودا vers où le موظف était dirigé محمود وجه محمود لا فلا سلكت كلمة الدمية justement pas répéter محمود وجهه وجهه أيوة إلى C'est comme en français, tu ne répètes pas. En seconde, si quelqu'un te dit vers où as-tu dirigé Mahmoud, tu vas dire il l'a dirigé vers, il ne va pas dire il l'a dirigé Mahmoud. Tout ça, c'est, ils t'ont enseigné au début. Pour ne pas faire de répétition, tu prends le damir. Et le damir, on comprend que ça vient à celui de qui tu parles. C'est clair. Tu vois, c'est s'habituer. Là, c'est ça le tarbir, c'est savoir comment s'exprimer, faire des phrases correctes qui ne soient pas répétitives ou des choses comme ça. Mais après, je comprends pas trop. Après, tu vois, là, par exemple, j'ai essayé. Après, en fait, c'était Ilayli, tu vois. Vas-y, dis-moi ce que tu as écrit. Non, mais j'ai marqué ça. Moi, j'ai marqué Wajaha Mahmoudan, Ilay Salatad Jamalik. Ah, là, c'est tout. Sauf qu'à la place de Mahmoud, tu mets Damir. Salam alaikum. Alexandre. À la place de Mahmoud, tu mets Damir. Sinon, la phrase, elle est bonne. Wajahahu Ilay Salatad Jamalik. Ou Salatad Jamalik, plutôt, non. طيب رابعا ماذا طلب موظف الجمارك من محمود كيف كان الامبوي دي ديوان ديري دي محمود طلبه انظر لحرف جر كي سي كو كيسم كم حرف جر طلب منه فوالا طلب منه يفتح حكيبات ان يفتح ان يفتح الهد. الحقيبة. طيب. Pourquoi elle? Ah, parce qu'il y a une liaison entre deux verbes là. Entre talaba et fataha. Talaba minhu, an. Minhu il est entre les deux là. Ah, mais minhu il n'a rien à voir avec le verbe. La liaison entre deux verbes c'est qu'an que tu l'as fait. Non, mais entre talaba et yaftah, il y a minhu. Ouais, mais minhu il n'a rien à voir avec le verbe. Ce qui fait la liaison entre deux verbes c'est an. Non. C'est pas minhu. C'est-à-dire dès qu'il y a deux verbes dans une phrase, il y a n. Hein, en général, il y a n. On peut s'en passer des fois, mais sinon, en général, il y a n. Quand tu dis je veux cela, tu veux faire une liaison entre deux verbes, tu mets n en arabe. Taïeb. Maza fi haqibat Mahmoudin. Andak. Fiha bardou malabis. نعم سادسا إلى أين اتجه محمود بعد أن فحص موظف الجمارك الحقيبة vers où dirige محمود après que l'employé des douanes ait vérifié la valise contrôler la valise إلى أين regarde bien le حرف الجر qu'ils ont mis tu le remplis tu prends le même verbe le même حرف الجر et tu mets le lieu vers où se dirige. Qu'est-ce que tu as là, laisse ça. Laisse le bard. Là, tu viens juste avec le verbe, le hafoujar, et le lieu. C'est tout. Là, c'est quoi le verbe dans la question? Il a aina ittajaha mahmoudun ba'dan fahasa muwazaf al-jamalik. Al-Haqiba. C'est quoi le verbe employé là? Khlas. Donc on veut de toi que tu prends ce verbe là pour Mahmoud. Après on te demande vers où. Donc tu vas prendre le Harfajar. Il a le même qui est dans la question. Maintenant tu mets le lieu, c'est tout. Et tu as la réponse. Ittajaha, il a. Ittajaha, il a biwabatil khuruj. Khlas, c'est tout. اتجه الى بوابه الخروج et t'as répondu à la question. T'es pas obligé de remettre tout ce qui vient dans la question. C'est en français qu'il me dit ça. Non, mais en français on le fait pas. C'est en français. Si je te dis par exemple là on va traduire la question, vers où Mahmoud se dirigeait après que l'employé ait vérifié, l'employé des douanes ait vérifié la valise. Tu vas dire après que l'employé va faire la valise, tu vas pas dire en français. Non, en français tu vas dire il est parti vers le portail. Hein? Il est toujours toutes les questions des professeurs en français. Bissama fa'alu. Quoi à la base, justement, il faut pas que tu fasses de répétition. Taïeb. ثانيا أجيب عن أسئلتي الآتية لذلك السؤال كيف سافرت من بلدك إلى هنا كم مرة تواجه تنبي جسكيسي عندك سافرت نعم ثانيا ماذا حملت في حقيبتك Qu'as-tu transporté dans ta valise? En fait, tu veux dire Hamiltu fiha. Pour ne pas répéter Hakiba, tu mets un domir qui vient à la place de Hakiba. Hamiltu fiha, thumma. Naam. بعض الملابس قلتها بعض الملابس طيب ثالثا من قابلك في المطار كي تا رسو الايروبور قابلت الشرطي لا ما هو السؤال من قابلك ما قيل من قابلتك انت من قابلك انت كي تا رسو توا. Donc, comment est ta réponse? Rabian, maza yamelu mwazaful jawazat. Qu'est-ce que fait l'employé des passeports? Khamisan, maza yamelu mwazaful jamalik. Est-ce que je peux répondre à l'autre question aussi? Ah ouais, non, ça. حمل ماذا يعمل موظف الجمارك حمل عقائبي ووضع في آلتي التي ترى ما فيها جينا طيب مفهوم ولا كي لي ريو اكس ولا فراس على فراس اللي صحيح. طيب الآن ننتقل إلى الدرس السادس dans la sixième leçon, toujours dans la deuxième unité, qui se nomme بعنوان مع سائق السيارة الأجراء. Donc مع معلوف avec سائق, c'est chauffeur, conducteur, c'est اسم فاعل de سائق. طيب يسوق سائق Yasuku qui veut dire conduire. Vintakul, Yasuku Seyara, il conduit la voiture. Et Sa'iq, c'est l'isme fa'il. Seyara, marouf, voiture. C'est Sa'aqa, Yasuku. Ailleurs. Kam Zara, Yazuru. Donc Seyara, à la base, tout seul, c'est quoi une voiture. El Ujra, à la base, c'est une paye, un salaire, une chose qu'on te donne. Donc littéralement parlant, on dirait une voiture à salaire. Mais comme on dit chez nous, taxi, tout simplement. Donc avec le chauffeur du taxi. Voilà le titre de la leçon. Mais qu'aujourd'hui, même ici, on dit taxi. Maintenant. Dans la rue, on dit taxi. On dit taxi, pareil. On peut pas dire seigneur taxi ou peu. Et on peut l'employer. Voyez, el kalimat el jadida. Nouveau vocabulaire. موقف لا موقف سسري الباركينغ سي ان ليو دو ستاسيونمون فايت موقف سي ان ليو دو ستاسيونمون سي بو اور دوت سونس لا سي سونس فولو سيارة الأجرة اون ا ديست كوا تاكسي إرادة الجامعة إرادة إدارة عفوا إدارة طيب إدارة سي لا ديريكسيون اي جامعة سي يونيفرسيتي دونك سي لا ديريكسيون دو يونيفرسيتي كلف يكلف المصاص تكليفا ça veut dire coûter le prix كلف là ça a d'autres sens là ce qui veut dire dans le texte c'est coûter par exemple tu dis كم يكلف هذا combien ça coûte cette chose On va demander un prix. Quel mukallif hada ? Combien cela coûte ? Quel mukallif hada ? Quand t'es fils sauf. C'est-à-dire combien ça coûte ? Ça, tu vois un tuffah, une pomme, tu dis quel mukallif est tuffah ? Combien coûte la pomme ? Et là, il va te répondre. Sara yasiru, qui veut dire plein de sens, avancer. Et là, il veut dire rouler, je pense. Il dit roule. Sara, c'est faire un parcours, avancer, ça peut être marcher et rouler aussi quand c'est une voiture. T'as comme ça, t'as cool. T'as sir ou sayara, c'est la voiture roule. Et sir, c'est le fir am. Et là, je me pensais que ça veut dire vas-y, roule. Sir, mais nous, ça veut dire courir. Ça dépend, quand ça demande la phrase. C'est un sens de, d'avancer. Après, en fonction du mot que tu l'emploies, il va changer. Vous voyez ? C'est un sens d'avancer à la base. Comme Macha, Yamchi. Jamia, ben on le remet, comme le numéro, c'est université. Il dira ça, la dira ça, c'est les études. L'étude. Al-Tarakib et Nahuya Sorfiya, on va les prendre dans le texte directement. Al-Tarbira, tes expressions. Yaqul, fi, li ayatillah. À la base, ri'aya, c'est le fait de surveiller quelque chose, protéger quelque chose. Par exemple, un ra'i, c'est un berger. Donc là, c'est sous la protection d'Allah, comme on pourrait dire. Le fait qu'Allah, il te voit, qu'il te préserve, qu'il te protège. Ri'aya, c'est protéger. Une noix, c'est un centre là-dedans. Ça peut être un père avec son fils, un grand frère avec son petit frère, toujours une chose, qui est une autre chose, qui la préserve, qui la garde. Les rayas, c'est ça à la base. Tu l'emploies pour le père avec le fils, le grand frère avec le petit frère, le professeur avec l'élève, ou le berger avec les troupeaux, ainsi de suite. On pourrait traduire par sous la protection d'Allah. Ou dans. La garde aussi. Mais pas la garde comme la garde. Non. Tu vois, c'est pas le hira ça, c'est pas la regarde. Asif, ça veut dire désolé. Ana asif, je suis désolé. طيب تقرؤون النص ان شاء الله. من يريد محمودا ومن يريد السائق. طيب أنت محمود بشرى ما شاء الله يسلم ما شاء الله ألن يسلم ما شاء الله مرة ثانية ما شاء الله تفضل محمود أنا؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أين موقف سيارة الجارة؟ هو الباركينج de taxi. Donc il dit je suis chauffeur de taxi. Quel lieu veux-tu? Où veux-tu te rendre? On dit, mais là c'est quel lieu veux-tu? Avant, tu peux entendre? Arrête. Foucault. Allez, arrête. أريد أن أذهب إلى السكان جميعي. Je veux me rendre au dortoir de l'université. La jamiri, c'est quand tu mets un ya comme ça à la fin d'un mot, c'est pour une appartenance. Vous voyez ? À la base, le mot c'est jamia. En fait, on va dire sur, dans le dortoir universitaire. Vous voyez, le i là, il a une connotation d'appartenance. Donc on dirait, je veux me rendre au dortoir, par exemple, vous voyez, ou la résidence universitaire. On dirait plutôt comme ça. Mais c'est Jamia à tout. À la base, c'est Jamia. Vous allez dire c'est Jamiati ça dire... Non, justement, on enlève le ta. Ah. Le ta, il tombe. Ah. Tu verras ça dans le kitab 3, Inch'Allah, c'est expliqué. Ah, s'il faut. Là, il faut. Désolé, je ne connais pas. وهل تعرف مكان إدارة الجميعة؟ Est-ce que tu connais le lieu de la direction de l'université? نعم. كم تكلف رحلته إلى هناك؟ Combien coûte? Donc là, les halas, par contre, on va traduire par un vol. Là, c'est une voiture. Là, la course. La course. Voyez. Combien va coûter la course vers là-bas, il est à Hunak? 20 riyal. Ce qu'il a dit, c'est correct. En fait, il y a un verbe enlevé, c'est un mot bid, un verbe enlevé. Il y a un takdir. Hey, les halas, tu kallifou 20 riyal. C'est ma faute, le verbe il n'a pas répété. Vous voyez, à la base c'est écoute 20 rial, mais il ne te le répète pas, il te dit 20 rial directement. Donc là il est vraiment moussoub pour de vrai. Inch'Allah, tu ne trouves pas d'erreur de narco dans ce livre. Inch'Allah. Peut-être des erreurs d'imprimerie, mais sinon ils sont là pour t'enseigner à bien parler. Tu vois qu'ils vont arriver, ils vont te parler comme les gens dans la rue. Mais nous on avait dit que c'était Aishron. Quand il est Marfour. Mais là il n'est pas Marfour, il est Mansoub. Ah ouais. T'as vu ? Donc il prend un Ya. Donc il dit 20 riyal. Hassanan. Sirfi riyalati Allah. Très, très bien. Roule sur la protection d'Allah. Avance ou va ou on y va, tu vois. La chose qu'il veut dire, il roule. Il est durable, non ? طيب مفهوم النص؟ نعم. يقول أولا استمع وردد. يقول أي مطعم تريد. Donc là on a mis une fatha sur le أي. أي c'est dire quoi à la base؟ نعم. Et derrière lui, ça vient Moudaf Ilayhi. C'est pour ça que Mathamin, il a une kasra. A la base, le vrai truc, c'est Touridou Ay Mathamin. C'est pour ça qu'il fatasse que ça m'a faute. Et là, ils l'ont mis devant le verbe. Mukaddam. Mais à la base, ils sont arrivés après le verbe. On choisit, en fait, complètement. Non, ça, c'est plus littéraire. C'est comme ça que. Quand c'est une question, quand c'est une question le ism istifham, le nom de l'interrogatif, il est toujours début de phrase. Non. Donc quel restaurant veux-tu? Fanyan ay ta'amin tatanawal. Quel repas prends-tu? Thalithan ay fakihatin tufaddilu. Quel fruit préfères-tu? Faddala yufaddilu, c'est préféré. Et faddala yufaddilu, ça veut dire préféré. Ufaddil kada, je préfère telle chose. Aïe, asirin, tashrabo. Quel jus bois-tu? Asir, c'est du jus. Aïe, dersin, takrao. Quel cours lis-tu? Sadisan, aïe, dersin, taktubo. Quel cours écris-tu? Sabian, aïe, kitabin, turidu. Quel livre veux-tu? طيب ثانيا يقول أجيب كما في النموذج réponds comme dans l'exemple. Il dit أي طعام تريد. Entre parenthèses il met طعام تأكل. Donc tu dois dire quoi? أي طعام تأكل. Quel nourriture manges-tu? Quel aliment manges-tu? Donc là vous faites pareil avec les autres phrases. Par exemple la première phrase dit كتابين تفضلوا. Qu'est-ce que tu vas dire? Aïe kitabin tufaddilu. Taïeb. Le jumla fait, on le fait ensemble, je suis là, c'est facile, rapide. Fania, andak. Asirin tashrib. Tashrab. Aïe. Aïe asirin tashrab. Naam. Alifan. Aïe baladin tazour. À quel pays visites-tu? Arabian. أي تأشيرة تتخرج تستخرج نعم quel visa fais-tu sortir? Quel voyageur rencontres-tu ou accueilles-tu? Salisan? Quel... C'est le même. C'est le même. Je crois qu'il l'a remis. Ensuite, Salisan. Ajib, Kama Finnamouz. Il répond comme non, à l'exemple. Il dit Sir fi li'ayatillah. Donc roule, voyez, avec la protection d'Allah. Donc là, il veut vous prendre un verbe à l'impératif, et ensuite avec le dua qu'eux ils ont dit. Par exemple, il dit Safir, entre parenthèses, qui veut dire quoi? Voyage. Voyage. Là, c'est le amr, l'impératif. Donc Safir fi li'ayatillah. Donc voyage avec la protection d'Allah. الأول يذهب في رعاية الله نعم يذهب ذهب يذهب توجه رعاية في توجه في رعاية الله نعم donc dirige toi avec la protection d'Allah اركب في رعاية الله نعم donc embarque ou monte avec la protection d'Allah غادر Ri'aya. Radir, ça veut dire quoi déjà? Quitter. Là, on veut dire partir quoi? Radir. Radara, y'a radir, on a quitté, partir. De laisser une chose. Khamis. Irhal, fi ri'ayatillah. En fait, ce qu'il veut dire, partir. Ici, pendant les manifestations qu'il y avait au Yémen, ils n'osaient pas dire ça. Irhal, irhal, le président, genre, dégage, dégage. Irhal, part. Ils disaient ça. Ah, ouais. C'était leur, devenu leur slogan. Irhal, irhal. On dit, vas-y, ou démissionne, ou va-t'en, part, en fait, tu vois. Du moins, c'est qu'on parle des contestataires, hein, on ne parle pas de. Irhal, irhal. C'est bon, tu peux partir. On veut un nouveau président. Ça, bien sûr, c'était dans les Mouzahra, dans les manifestations. Et les manifs, c'est pas permis en islam. Saadis. Isaad fi ri'ayatillah. Naam, je veux dire monte ou. Ihbit fi ri'ayatillah. Naam. Descend. Là dans l'avion, c'est atterri et toi, c'est descend. Taïb Rabian, istamir wa raddid. Écoute et répète. Maintenant, il va vous apprendre justement à dire kallafa yukallifu pour employer. Aoulen, kem, tu kallifu un rihla. Donc combien coûte la course? Tu kallifu. Parce que le sujet c'est rihla, c'est au féminin. Hiya, tu kallifu. Fanyen, kem, tu kallifu et tafkira. Combien coûte le billet? Falifan, kem, tu kallifu al ghada. Combien coûte le déjeuner? Kem, tu kallifu al qahwa. Combien coûte le café? Khamisan, kam yukallifu al-kitab. Combien coûte le livre? On peut dire bikem. Non, tu peux dire bikem. Laisse pour t'employer justement t'apprendre à employer plusieurs formules différentes pour un même sens. Khamisan, adib, kamaf il namouzaj. Donc il dit, répond comme dans l'exemple. Hel ta'alifu wa saken. Connais-tu le dortoir? Il dit Asifun la a'alifuhu. Désolé, je ne le connais pas. Donc là, il ne dit pas Asifun la a'alifu saken. Il ne répète pas saken. Il emploie un domir. Donc il dit quoi? Jumal oula. Connais-tu l'aéroport? Asifun la a'alifu. La a'alifu. Non. Hel ta'alifu solat al-safar. Est-ce que tu connais la salle de départ, on va dire? Asifun la a'alifu. La a'alif? La a'alifu. Non, la a'alifu. Falifan? Hel ta'alifu makan al-habs? Asifun la a'alifu. Est-ce que tu connais le lieu de réservation? Rabian. هل تعرف مكتبة تأكيد الحج؟ Est-ce que tu connais la bibliothèque la bibliothèque de la bibliothèque à la base c'est Maktaba le bureau de confirmation. Non, on dira l'agence. L'agence de confirmation. De réserve de confirmation. Non. Pour la réservation. Pour la réservation. Non. Bureau de confirmation. Asifun la'arifu. Non. Connais-tu la station de bus? Parce que Mouqif, des fois aussi, station ça peut être Mahatta. Tu vois, on peut reposer aussi pour Mahatta, mais là, c'est les deux ils sont synonymes. Donc Mouqif, c'est le lieu où il y a les bus et le parking. Asifun, ma'arifu. Non. Ça a dit ça? Fadis. Sixième mot. هل تعرف بوابة الخروج؟ بوابة الخروج. بوابة. هل تعرف بوابة الخروج؟ نعم. Est-ce que tu sais où sont les portails de sortie? Asifun لا أعرفها. نعم. أحسنت. سابعاً هل تعرف إدارة الجامعة؟ آسف لا أعرفها. طيب. On va continuer. Là c'est court là. Il y a du temps. Donc on va prendre la deuxième partie de lecture. إقرأ. Ça veut dire quoi إقرأ؟ Oui. نعم. الكلمات الجديدة. أولاً un verbe استقبل يستقبلوا et le masdar c'est استقبال avec un med استقبالا qui veut dire recevoir, accueillir. استقبالا نعم avec un alif. Ensuite, il dit Ahadun. Attends, je peux dire quoi ou pas Ahad maintenant? Je regarde. C'est recevoir. Hein. Nam. Comme Tassalama. Là, c'est pas un stagba. Il peut avoir. Sauf que stagba, ça doit être une personne. J'ai reçu quelqu'un. Mm. Alors que Tassalama, c'est pas j'ai reçu quelqu'un. C'est pas les mêmes. Recevoir. Alors, attends, où est-ce qu'il est Ahad dans le texte? Parce que Ahad, c'est quelqu'un. C'est une personne et c'est aussi Ahad, Yom al-Ahad, c'est le dimanche. Et là, je vois pas. Taïeb. En fait, c'est personne, ils veulent dire. Quelqu'un, quoi. Istagbalan, c'est quoi? C'est la réception, réceptionner? Non. C'est quoi? C'est l'accueil. L'accueil. C'est le nom? C'est Mosdar. Istagbalan, c'est le Mosdar. Parce que, justement, moi, je suis. Là, Abraham, le Mortilef, ben, il a. المصدر هو الاسم فاعل parce que اسم فاعل c'est l'action c'est celui qui fait l'action اسم فاعل هذا دي اسم فاعل c'est celui qui commet l'action. Ça veut dire par exemple quand on dit par exemple خرج خرج c'est quoi اسم فاعل خرج خارج خارج خارج celui qui sort. Mm. Ou l'extérieur aussi. Mm. C'est quoi le masdar? Masdar c'est khuruj. Qui veut dire sortie. Il y a une différence entre les deux. Non. C'est ça. Ça y est, Kelimat al-Jadida, toujours. Donc, Shakara Yashkuru. Ça veut dire quoi Shakara Yashkuru? Merci. Remercier. Et le masdar c'est Shukran. طيب من يقرأ هذا النص اليوم؟ كي سيكي ليس التكست؟ كي اللي يقرأ دنيا فوق التكست؟ شوف ستي لوي كي يقرأ دنيا فوق aujourd'hui c'est toi إن شاء الله لا تشعر que c'est moi تسير؟ طيب تفضل Inch'Allah, après peut-être je me trompe. C'est pas grave, de toute façon, c'est une lecture. Alhamdulillah. Naam. Wa sala mahmoudoun ila al-matar. Donc Mahmoud est parti. Et allez, est parti. Wassala est parti. Non. Wassala, ça veut dire quoi, Wassala? Ah, arrivé. Naam. Mahmoud est arrivé à l'aéroport. Naam. Arada mahmoudoun an yadhaba ila al-sakani al-jami'i. Tarjim hada, Walen, traduis ça, hein. Arada yuridu. Mahmoud a voulu. Naam. A voulu partir vers la résidence universitaire. Résidence universitaire. Donc en fait, Mahmoud a voulu se rendre. Ou a voulu aller. En tout cas, le script dit, c'est correct. Ah, ensuite. فذهب إلى موقف سيارة سيارة الأجرة نعم et il est parti. Là le fait on le traduirait par alors. Alors il est parti dans le stationnement des enfin le parking des taxis. نعم. Il est parti vers le parking de taxi. Sa'ala Mahmoudoun Sa'iq. Sa'ala Mahmoudoun Sa'iq. Hal ta'rifu sakan al-jami'i. Mahmoud a demandé au chauffeur: est-ce que tu connais la résidence universitaire? Fa'ajaba Sa'iq. Saïkou, la arifou. Et la réponse, le chauffeur. Donc le chef a répondu. Le chauffeur a répondu. Mm-hmm. Non, je ne connais pas. Talaba Mahmoudoun min al-Saïqi an ya'khudha ila Ida. Ya'khudha. Non. Ah, c'est où qu'ils ont fait une erreur? C'est une erreur d'imprimerie, ça. Dans une fatra, c'est une dhamma. An yakhudahu ila idarati al-jami'ati. Jami'ati. Mahmoud a désiré du chauffeur qu'il le prenne. Non. Vers le direction. Vers la direction. Ah, c'est pas direction dans c'est pas direction le lieu où tu vas, c'est la direction là où il y a le directeur. La direction de tel truc, la direction de tel truc, c'est là où il y a le directeur. Il est dans les mots de. Ah, c'est direction. Non, c'est la direction là où il y a le directeur. Ah, c'est ça. Ah ouais, ça. Ils ont piégé là. Direction. Parce que direction, comment on dirait les panneaux de direction? Direction? Ishara? Ça dépend. En fait, par une direction, souvent ils appellent ça Ishara Tumuro, plutôt de circulation, chose comme ça. En tout cas là, Idara, c'est direction. Comme un moudir, un directeur, ouais, c'est ce mot-là. Direction universitaire. Allez voir, maquillette de Jumla. Reste une phrase. ولما وصل محمود دفع الأجرة وشكر سيقا. ولما ça veut dire quoi là. Il y a plusieurs des lames, celui-là c'est après que. Ah, Et après que Mahmoud est arrivé, il a payé le chauffeur. Il a payé le jura. C'est le salaire, donc on va dire, il a payé quoi ? La course. Donc, jura, c'est le salaire ou la paye, tu vois ? Non. Il a payé la course ou le salaire et a remercié le chauffeur. C'est d'accord, l'asilata. فيستكون لغد إن شاء الله. أولا عجيب عن الأسئلة الآتية. réponds question suivante. أولا إلى أين أراد محمود الوصول؟ طيب vers où محمود a-t-il voulu aller se rendre arriver. وصول c'est le مصدر de quoi؟ وصل. ثانيا هل عرف السائق السكن الجماعي؟ Est-ce que le chauffeur connaît la résidence universitaire؟ ثالثا إلى أين أخذ السائق محمودا؟ طيب vers où le chauffeur a-t-il pris محمود؟ أخذ c'est-à-dire prendre. أخذ يأخذ. Ils l'ont pas mis dans le nouveau vocabulaire au début. Des fois, ils balancent des airs comme ça et ils ne préviennent pas avant. Et celui qui veut lire tout seul, ça va être un peu dur pour lui. Kam dafa'a Mahmoudun lis-sa'iq. Combien est-ce que Mahmoud a payé le chauffeur ? Hal shakara Mahmoudun as-sa'iq. Est-ce que Mahmoud a remercié le chauffeur ? C'est les premières questions. Thaniyan ajib an as-sa'ilati al-atiya. Réponds aux questions suivantes. Bimada tasilu min al-matari ila al-sakanika. Par quoi parviens-tu de l'aéroport à ton lieu de résidence? Te rends-tu ou parviens-tu ou arrives-tu? Thaniyan kam tukallifu al-ihrah min al-matari ila al-sakan. Ou ça coûtait cher, vous. Qu'il fisse à l'île, là, inshallah. Thalithan. Maza taf'alu idha qadimta ila al-matar wa lam yastaqbilka ahadun. Comment fais-tu si tu arrives à l'aéroport et que personne ne te reçoit? Quand tu mets ahad dans une négation, ça veut dire personne. Ma ra'aytu ahadan. Je n'ai vu personne. Ma ja'ani ahad, personne ne m'est venu. Mais le contraire, c'est quelqu'un. Vous voyez ? Quand c'est une négation, c'est personne dans le sens personne n'est venu. De l'autre sens, c'est quelqu'un ou une personne. Ja'ani ahad, quelqu'un m'est venu. Ma fi ahad. Ma fi ahad, il n'y a personne. Hein? C'est ma fi ahad ou ma fi ahad ? Ma fi ahad. J'ai du mal à comprendre un truc, c'est quand on disait ou Akadim, on dirait par d'où il. D'où arrive-t-il ? D'où arrive-t-il ? Mais si on dit maintenant il a Aina Ana Mouradira, ou il a Aina Mouradira. Vers où se rend-il ? C'est-à-dire pour quel lieu il part ? Ah, il a Aina, d'accord. Vers quel lieu il a quitté pour partir. Et si on dit min aina huwa muradir, ça a le même sens que huwa khadim. Non. Où il est arrivé? Radir, c'est quoi radir? Radara. C'est. Là dans le texte, ça veut dire partir. Min radir, inshallah. Mafoum ala? طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين